À l'heure actuelle, c'est plus possible des métiers comme ça, parce que d'abord, on est assassiné par les réseaux sociaux. Et puis deuxièmement, il n'y a plus de bruit en bas.